Je crois que je pensais au bon Dieu presque constamment. À cette époque, sans trop savoir pourquoi, j'imaginais toutes espèces de mortifications. J'avais fabriqué des sortes de torsades très dures avec du papier et j'introduisais cela le soir sous le drap de mon traversin. Je portais un grand crucifix sur la poitrine et j'avais soin de le tourner de mon côté, afin qu'il entre pour ainsi dire en moi, pressé qu'il était par le corset. Il y avait encore d'autres petites choses dont je ne me souviens plus assez exactement. Pour ce qui regardait le coucher, je faisais une extrême attention à ce que Thérèse ne s'en aperçût point et, comme elle ne m'en parla pas alors, je pus croire que j'étais parvenu à cacher mon secret. Mais au Carmel, je sus que c'était à cause de ces mêmes mortifications, qu'elle avait notées dans son manuscrit, loin de ressembler aux belles âmes qui pratiquent toutes espèces de mortifications. Je faisais uniquement consister les miennes à mortifier ma volonté, etc. Je la remerciai du compliment de m'avoir placée parmi ces belles âmes qui ne lui ressemblaient pas, ce dont je n'étais pas du tout flattée, la vérité étant que je suis une toute petite âme, la plus petite de toutes les petites âmes. Car, dans le seul fait que je rapporte, lequel est le plus grand, le plus beau, de faire quelques mortifications matérielles, c'est-à-dire d'un ordre tout à fait inférieur, ou d'imposer à sa volonté, comme le fit Thérèse, le sacrifice d'une discrétion totale à mon égard, surtout à un âge où tout intrigue, je suis persuadée, ma mère, que vous êtes de mon avis et que je puis continuer ma nomenclature de pieuse pratique sans que vous me traitiez de grande âme. D'ailleurs, celle dont je vais vous parler rentre dans la catégorie des mortifications que s'imposaient Thérèse et nos parents. En voici quelques-unes. Mon parrain m'avait donné des bijoux, bracelets d'or, colliers, bagues. J'aurais été fière de les porter devant mes compagnes, cependant je m'en privais presque toujours. Je ne sais pas si je mis mon bracelet 4 fois en pension. Et, quand à l'occasion d'une grande fête, je m'en servais, si je devais faire la Sainte Communion ce jour-là, j'avais soin de l'enlever pour me rendre à la table sainte. Il me semblait qu'avec cela au bras, le monde me tenait par un anneau et je trouvais que ce n'était pas convenable de me présenter devant le bon Dieu avec cet insigne de captivité, lui qui ne veut à son service que des cœurs libres. Enfin, ce bracelet, matière à tant de sacrifices, servit à orner, non plus la petite épouse de Jésus, mais Jésus lui-même en devenant une parcelle de son trône d'or, au bel ostensoir de Montmartre. En une autre circonstance, je me privais aussi de dire mon goût pour l'achat d'une étoffe et la forme d'une toilette, ce qui me coûta extrêmement, car j'étais assez coquette et avais un goût très tranché, que je n'avais aucun mal à manifester, les indécisions n'étant pas dans mon caractère. Si ces actions sont en soi peu dignes d'éloge, je m'empresserai d'en renvoyer la gloire à mes incomparables parents. Sans parler de mes sœurs qui se préparaient à la vie religieuse par toutes sortes de vertus, je remarquais en mon père une constante mortification. Jamais il ne s'appuyait le dos à une chaise par manière de délassement, et ne croisait pas les jambes. Il se chauffait rarement et comme à la dérobée. L'été lorsqu'il travaillait au jardin et que nous lui portions à boire, il acceptait, mais n'en aurait jamais demandé, et, pendant le carême, il se privait de ce soulagement bien qu'il fût permis. Il s'était aussi habitué à manger d'un pain grossier comme celui dont usent les pauvres et, ce ne fut pas sans difficulté qu'il y parvint. Son lever était très matinal, toutes ses actions, en un mot, étaient marquées au coin de la mortification chrétienne la plus délicate et la mieux entendue. Jamais je ne le vis fumer, même en compagnie quand les autres messieurs s'en donnaient à cœur joie. Mais je n'en finirai pas si je voulais tout rapporter. D'après cet aperçu, vous comprenez, ma mère, que la mortification nous fut en quelque sorte naturelle. Aussi, bien avant l'entrée de Pauline au Carmel, alors que je ne connaissais d'autres religieuses que nos maîtresses de l'abbaye, je demandai un jour à Léonie qui était bien versée sur toutes ces questions-là, de me renseigner sur les divers ordres et le genre de vie qu'on y menait. Elle le fit, et m'ayant dépeint les pénitences en usage chez les plus austères, je me promis d'entrer un jour dans l'un de ceux-là. Cependant, ma vie d'étude touchait à sa fin. J'avais fait partie de l'association des enfants de Marie en ayant même été présidente, j'avais, presque chaque année, remporté les premiers prix de ma classe, sauf pour l'arithmétique, et surtout le plus convoité de tous, celui d'instruction religieuse. Pour moi, j'y tenais plus qu'à tous les autres, car je considérais cet enseignement comme un bouclier qui devait pour toutes les grandes me préserver de la contagion des erreurs que j'étais résolu, non seulement d'éviter mais de combattre. Ainsi bien qu'éparassonné je pouvais se semble m'élancer dans la vie et en soutenir avantageusement les luttes. Je rentrai dans ma famille à la fin de l'année scolaire 1885. Peu de temps après ma sortie de pension, Thérèse ne pouvant vivre séparée de sa Céline revint aussi à la maison. Elle continua son instruction en prenant des leçons particulières. Pour moi, Marie m'initia aux soins du ménage et à la conduite de la maison, car elle comptait s'envoler le plus tôt possible au Carmel. À ce moment je l'ignorais et j'acceptais gaiement ses bons conseils. Je continuais aussi à prendre des leçons de peinture en ville chez une vieille demoiselle, élève de Léon Cognet, dont le cours était très suivi par les jeunes filles des meilleures familles de Lisieux. Là j'eus de charmantes relations, mais surtout j'essayais d'augmenter mes connaissances dans l'art que je voulais perfectionner. Il me fallait piocher dur, car je n'avais commencé à apprendre le dessin qu'à l'âge de 13 ans et demi et n'avais pas encore travaillé d'après nature. Pourtant mes ambitions étaient grandes, je voulais arriver à réussir parfaitement les ressemblances, voire même à composer des tableaux. Ma maîtresse disait, à qui voulait l'entendre, que j'étais artiste jusqu'au bout des ongles, mais au lieu de me pousser elle ne me livrait ses secrets qu'avec parcimonie. Aussi, ne voulant pas être liée et dépendante d'une volonté humaine, pour l'avenir que j'avais rêvé, et voyant que je n'avançais à rien sous une pareille tutelle, j'essayais de voler de mes propres ailes. Je fis alors beaucoup d'études chez nous, afin d'acquérir de l'expérience par moi-même, puisque les autres ne voulaient pas m'en donner. J'exécutai ainsi, cela va sans dire, tout un musée de croûtes. Le Carmel encourageait mes efforts en me demandant plusieurs travaux, ce qui me stimulait beaucoup. Cependant, comme je voyais que la tâche dépassait mes forces, je mis le ciel de la partie et n'entrepris rien sans avoir auparavant beaucoup prié. À chaque nouveau tableau je mettais un cierge à l'autel de Saint-Joseph, certaine que j'arriverais à l'achever avec honneur. Comme je ne m'attribuais point le succès, sentant bien toute mon incapacité, le bon Dieu me prodigua ses secours. Voir note sur mes études de peinture cahier à part, illustré. Une année se passa ainsi, la dernière que notre chère aînée, Marie, resta encore parmi nous. C'était à peine si, sortie de pension, j'avais joui, sans souci, du plaisir de vivre en famille. Les dernières semaines me parurent déchirantes, c'était la répétition du départ de Pauline qui nous avait fait tant souffrir. Afin d'adoucir à Thérèse la douleur de cette séparation, Marie la prenait souvent le soir pour coucher avec elle et moi je restais seule dans ma grande chambre. Aussi la tristesse était-elle revêtue pour moi d'un manteau doublement sombre. Ce fut au mois d'octobre 1886 que Marie nous quitta. Mais cette fois il fallait être fortes afin d'alléger à notre petit père ce coup particulièrement pénible. Il semblait que Marie était indispensable au foyer et que jamais papa n'aurait dû pouvoir se séparer de son aîné. Mais avec son esprit de foi et sa générosité ordinaire, il accomplit vaillamment ce nouveau sacrifice. Nous n'étions plus que deux dans ce doux nid des Buissonnes et qui avait abrité une famille si nombreuse et si unie, qui avait entendu, avec les suaves accents des aînés, les pâles gazouillements des petits-enfants, s'essayant à louer le Seigneur. Je dis que nous n'étions plus que deux, car notre chère Léonie quittait pour entrer au Clarisse. Il est vrai qu'elle nous revint, après quelques semaines d'essai dans ce monastère, mais ce fut pour repartir à la Visitation, Elle ne se trouvait pas chez nous lors du voyage de Rome. Je parlerai plus tard de ce voyage. Pour le moment, je vais vous dire, ma mère, quelle fut notre nouvelle existence au Buissonnet. Nous nous étions fait une vie très réglée, rien n'était laissé au caprice. Chaque matin, nous allions avec papa à la messe de 7 heures. Jamais nous n'y manquions, même quand la voie était impraticable, ce qui arrivait souvent l'hiver. Les Buissonnets étant bâtis sur la hauteur, le chemin qui desservait le quartier, déjà très mauvais par lui-même, devenait en temps de verglas, une pente de glace. Mais nous ne arrêtions pas pour si peu. Les incidents de route deviennent agréments pour de gais voyageurs. Nous remontions le jardin et mettant des étoffes de laine tout autour de nos chaussures, nous affrontions hardiment le péril. Et nous arrivions sans autre encombre à la salle du festin, où la table est toujours dressée, mais hélas où il se présente si peu de convives. Nous aimions aussi beaucoup nous occuper des pauvres. Les jours de fête, il y avait régal au Buissonnet et les enfants d'alentour en savaient quelque chose. Depuis notre plus tendre enfance, on nous avait inculqué un tel respect pour les malheureux qu'en leur portant une aumône, ils nous semblaient la donner au bon Dieu lui-même. Nous étions presque étonnés de les voir nous dire merci, tant nous nous croyions leurs obligés, trop honorés de pouvoir leur faire du bien. Je me souviens qu'à cette époque où nous étions grandes jeunes filles, nous demandâmes, en nous agenouillant humblement, la bénédiction d'un pauvre vieillard que papa avait fait entrer au Buissonnet pour lui donner à déjeuner. Comment parlerai-je à présent de l'intimité de Thérèse et de Céline? Comment? C'est un jardin fermé, j'allais ajouter une fontaine scellée, mais elle n'était pas scellée la fontaine, elle était jaillissante. De nos cœurs coulaient des fleuves d'eau vif qui se répandaient au dehors en portant nos âmes vers Jésus l'océan divin. Le jour où cette fontaine fut ouverte compte dans les dates mémorables de ma vie. Ce fut le 25 décembre 1886. Thérèse raconte en détail, dans l'histoire de son âme, cette nuit de Noël inoubliable de laquelle elle fait commencer sa conversion. À partir de ce jour, notre union d'âme devint si intime que je n'essaierai même pas de la dépeindre dans le langage de la terre, ce serait la déflorer. Cette fleur est le secret du jardin fermé dont Jésus, l'unique bien-aimé de nos cœurs, connut seul les senteurs embaumées. Cependant, ce n'est pas dans la nature de l'amour de rester inactif. Aussi la fontaine de ce jardin fermé fut-elle ouverte, comme je le disais à l'instant, ouverte aux ailes de l'amour, ailes impétueuses qui dévoraient nos cœurs. Ô ma mère, je n'exagère rien en vous disant cela. Je ne puis vous exprimer ce que furent nos entretiens d'alors quand, chaque soir, les mains l'une à l'autre enchaînées, le regard plongé dans l'immensité des cieux, nous devisions sur cette vie qui ne doit pas finir. Où étions-nous? Quand, perdant pour ainsi dire conscience de nous-mêmes, notre voix s'éteignait dans le silence. Où étions-nous alors? Je me le demande. Hélas, soudain nous nous retrouvions sur la terre. Mais nous n'étions plus les mêmes, et comme au sortir d'un bain de feu, nos âmes haletantes n'aspiraient plus qu'à communiquer leur flamme. Oh, quelle ivresse! Oh, quel martyr! Comme le dit Thérèse, ces grâces ne pouvaient demeurer sans fruit, et Jésus se plut à lui montrer que ses désirs d'apostolat lui étaient agréables pour la conversion si merveilleuse du malheureux Pranzini. Ce fut même cette grâce qui fut le point de départ d'une union plus intime entre nous. Car ce fut en cette occasion qu'elle découvrit dans le cœur de sa Céline le germe des aspirations qui dévoraient le sien. Dans la description que je viens de donner sur les entretiens du soir aux fenêtres du belvédère, j'ai donc anticipé un peu l'ordre des événements. Voici ce qui se passa. Après la grâce de force reçue la nuit de Noël, la soif des âmes entra dans son cœur et, comme elle le raconte elle-même, l'occasion s'étant présentée d'exercer son zèle, elle s'y employa avec toute l'ardeur de son amour. Avec son humilité ordinaire, elle ne crut point pouvoir seule obtenir la grâce qu'elle sollicitait et me demanda le secours de mes pauvres prières à une intention qu'elle n'osait pas trop me spécifier. Enfin, elle voulut faire offrir le saint sacrifice dans ce but et, comme elle était très timide, elle vint me demander de me charger de la commission. Je lui laissai voir alors que j'avais deviné quel était son dessein et combien je le trouvais louable. étonnée que je ne lui témoignasse aucune surprise de ce qu'elle croyait une singulière idée, elle vit qu'elle était comprise. Alors son cœur s'ouvrit à moi tout entier et ce fut à partir de cette époque que data notre si grande intimité qui, comme elle le disait, n'était plus une simple union mais une unité. Elle aimait à me répéter que nous avions une même âme pour nous deux. Oh ma mère que c'était doux, quelle joie inénarrable, et je goûtais avec ma Thérèse. D'après cette peinture, qui n'est qu'une ébauche de la réalité, vous pouvez y croire, ma mère, que la perspective du départ de celle que j'aimais plus que moi-même ait été une épreuve au-dessus de mes forces. Oui, il en aurait sans doute été ainsi, si livré à ma propre faiblesse, j'avais été seul à souffrir. Mais les faveurs célestes dont je parlais il y a un instant m'avaient pour ainsi dire confirmé dans la force. L'amour du bon Dieu était si intense dans mon pauvre cœur que, ne trouvant rien qui puisse soulager un peu ce besoin de donner, je fus heureuse de sacrifier tout ce que j'avais de plus cher au monde. Comme Abraham, je m'occupais de la préparation de l'Holocauste et j'aidais ma sœur chérie dans toutes les démarches qu'elle fit pour obtenir d'entrer au Carmel, malgré sa grande jeunesse. Je prenais part à ses chagrins plus que s'il se fût agi de mien propre. Ah comme c'est bien vrai que l'amour du bon Dieu donne seul le véritable amour pour les siens, cet amour désintéressé qui fait qu'on désire avant toute chose le bonheur de ceux que l'on chérit. Ce que je dis me remet en mémoire une réflexion que je me suis faite bien souvent jadis. C'est à propos de l'intimité des mères avec leurs enfants. J'ai remarqué que beaucoup se plaignaient d'être soigneusement écartés des confidences de leurs filles. Je compatis sincèrement à leur douleur, sans m'étonner toutefois qu'il en soit ainsi. Elles savent, ces pauvres enfants, que leurs lectures sont surveillées, que dirait-on si on arrivait à découvrir qu'elles lisent des vies de saints ou des livres de spiritualité et si on savait qu'elles ont un directeur à cette foi ce serait une persécution à outrance, car on soupçonnerait tout de suite des velléités de vocation religieuse. Commandant de pareilles conditions la jeune fille peut-elle prendre sa mère pour confidente et amie? Comment pourrait-elle lui exposer à découvert ses luttes, ses difficultés, ses espérances? Cela va de soi qu'il est impossible de songer à une telle intimité, intimité qu'il se fusionnerait aussitôt si la mère possédait en elle l'amour vrai, désintéressé. Non, ce ne sont pas les enfants qui ont tort lorsqu'elles font souffrir leurs parents par une réserve qui peut paraître extérieurement blâmable, non, ce sont les parents qui s'attirent ces froideurs. Pauvres parents, ils rendent leurs enfants malheureux, ils se rendent malheureux eux-mêmes en empoisonnant les derniers jours vécus en famille, souffrances vraiment inutiles et qui ne sont pas voulues du bon Dieu, parce que ce sont des souffrances qui ne sont pas dans l'ordre. En effet, à quoi aboutissent-elles à retarder peut-être de quelques mois le moment de la séparation et c'est tout, auxquelles sont amères les souffrances où le bon plaisir divin n'est pas au fond du calice, et qui dira ce qu'est au pauvre cœur humain une souffrance sans espérance. Moi, je sens bien que je n'aurais pas eu la force morale de supporter de si poignantes douleurs. Ma reconnaissance pour le Seigneur est grande, lui dont l'amour m'a fait vivre de si durs instants, de si ineffables joies. Je n'ose pas m'arrêter à la pensée de ce qu'auraient été mes rapports avec ma Thérèse bien-aimée si je l'eusse contrariée dans ses projets. Alors elle aurait été forcée de se cacher de moi. Alors elle aurait souffert, moi j'aurais pleuré dans le secret, ou bien je me serais soulagée en plaintes amères qui, au lieu d'alléger mon tourment, aurait rendu ma vie et celle des autres un enfer. Au lieu de cela j'ai joui d'un bonheur dont je goûte encore la suavité, j'ai joui des douceurs de l'union la plus parfaite. Qu'y a-t-il de plus désirable sur la terre? Oui, tous les bonheurs s'effacent devant l'union des cœurs, la fortune, les honneurs, la santé pâlissent à côté d'elle et n'ont de valeur que s'ils la prennent pour reine. Cette union de Thérèse et de Céline cimentée par un ardent amour de Dieu devait bientôt être confirmée en force. Ce fut au lieu même où les martyrs avaient souffert, au Colisée, qu'elle reçut cette sanction. Oui, la terre pouvait désormais séparer ces deux existences, Le vent de la tribulation pouvait souffler et détruire, amoncelant ruine sur ruine autour de ces deux cœurs, ils étaient prêts. N'avaient-ils pas, dans une commune prière, demandé et obtenu la grâce du martyr? Mais, avant que se déchaînât la tempête, quelques mois devaient s'écouler encore. Pour le moment les deux sœurs étaient à Rome jouissant ensemble du spectacle que leur offraient, sic, les merveilles du Créateur et celles du génie humain. Pour ma part, ce voyage m'a beaucoup servi, il a élevé mon âme au-dessus de tout le créé et considérablement développé en moi le goût artistique. Nous visitâmes avec le groupe de pèlerins, des musées où, paraît-il, les femmes ne doivent pas entrer, mais jamais je n'y rencontrais rien qui fût capable de troubler mon âme. Mon âme, elle ne pouvait être troublée que par le péché et confiante en son Dieu qui n'avait pas créé que de belles choses, elle se tira par la simplicité et la prière des pièges dressés par la main des hommes. Le soir, après une journée de pérégrination constante, nous nous réunissions au salon de l'hôtel pour faire de la musique, déclamer ou parler. Une fois, le nombre de sièges étant insuffisant, je pris ma sœur sur mes genoux. Elle était si jolie, ma Thérèse, avec ses belles boucles blondes que ce groupe attira les regards et quelqu'un se mit à dire « Ces deux jeunes filles ne se sépareront jamais, voyez comme elles s'aiment ». Pendant tout le cours du pèlerinage j'en fis constamment la remarque, nous fûmes notre père et nous l'objet de sympathies non dissimulées. On recherchait notre compagnie, on voulait nous connaître. Un jour un ecclésiastique apprenant que nous avions été 9 frères et sœurs, nous dit que la 7e fille avait le don des miracles. Alors je m'écriai, c'est moi qui suis la 7e. Et Thérèse de reprendre, elle est la 7e enfant, mais c'est moi qui suis la 7e fille. Le bon prêtre sourit en disant que le dicton n'avait de valeur que si les 7 filles se succédaient de rang. Alors ni l'une ni l'autre n'avions droit au privilège. Oh, dans ce temps-là je ne me doutais pas que ma Thérèse chérie aurait en vérité le don des miracles que bien volontiers je lui laisse. Heureuse si je pouvais encore lui céder mon droit de 7e enfant en supposant toutefois qu'il me réservât un don analogue. Maintenant, ma mère, je vais éclaircir une question. Peut-être avez-vous pensé quelquefois que j'avais été bien osée d'oser conseiller à Thérèse de parler au Saint-Père, malgré la défense officielle que venait d'en faire M. Réveroni. Lorsque je fus appelé à donner mon avis, le temps pressait et il n'était plus aux tergiversations. Or, j'ai un principe pour des occasions semblables, c'est celui de suivre en tout point une résolution prise d'avance, ce qui suppose une résolution mûrement réfléchie et une résolution bonne, car sans cette dernière condition il va de soi qu'il ne faudrait pas la tenir. Je parle d'une résolution comme était celle de Thérèse, comme de M.G.R. l'évêque de Bayeux, conseillé par le Carmel, le but du voyage enfin. Ne pas tenir une semblable résolution, c'est s'exposer à des regrets amers, surtout quand l'occasion que l'on a ne peut se représenter. Dans ce cas il vaut mieux, je trouve, s'exposer à une déception en suivant son programme qu'éviter de se tromper en s'abstenant. Les regrets de l'une sont beaucoup moins cuisants que ceux de l'autre, car est-il quelque chose de plus angoissant que de penser, si j'avais dit cela, peut-être aurais-je obtenu, oh que c'est peut-être et c'est si sont cruels, et pour les éviter, dans la vie, il n'y a vraiment qu'à ne pas se laisser intimider par les divers incidents non prévus qui surgissent dans toute entreprise humaine. Quant à la défiance en elle-même, je pensais que personne n'avait le droit de nous interdire de parler au Saint-Père. Une autorité moindre ne peut pas défendre de recourir à une autorité supérieure. Penser tout cela fut l'affaire d'un éclair. Une minute d'hésitation et il aurait été trop tard. Aussi je crois que ce fut le bon Dieu qui m'inspira de donner ce conseil et qu'il entra dans le plan divin, bien qu'au premier abord il ne parut pas couronné de succès. Comme vous le voyez, ma mère, ma petite Thérèse avait l'habitude de me consulter et de s'appuyer sur moi en toute rencontre. Plus tard au Carmel, les rôles furent intervertis et ce fut elle que Jésus désigna pour me conduire. Oh, comme cette sœur chérie me rendit alors avec avantage les quelques soins dont je l'avais entourée naguère. Thérèse me laissait donc diriger la barre comme bon me semblait et répondre quand on nous adressait la parole, elle savait bien qu'en traduisant mes sentiments j'exprimais aussi les siens. Un jour au retour de notre voyage nous nous trouvions à Lyon, dans l'ascenseur de notre splendide hôtel. Un monsieur décoré, d'une prestance imposante y prit place en même temps que nous. Il ne faisait point partie de notre groupe et nous fit, à ma sœur et à moi, l'effet d'un grand homme de gouvernement. Il voulut entrer en conversation avec nous en nous félicitant de notre beau voyage. Toutefois faisant une restriction à l'égard de Léon XIII, il se moqua de lui, nous demandant avec ironie ce qu'avait pu nous dire ce vieillard, si vieux qu'il en était ramolli. C'en était trop. Comment ne pas relever l'injure? Comment ne pas défendre le Saint-Père? Je bouillonnais et me redressant je repris avec ironie, moi aussi, il serait à souhaiter, monsieur, que vous eussiez son âge, peut-être auriez-vous en même temps son expérience qui vous empêcherait de parler inconsidérément de choses que vous ne connaissez pas. Il se fit aussitôt un silence de mort. Ce monsieur qui avait voulu nous intimider était l'intimidé. Il me regarda avec une certaine crainte et lorsque nous nous séparâmes, il nous salua respectueusement. « Oh ma mère, si j'avais été homme je crois que je ne serais pas morte de ma belle mort, je me serais fait un jour ou l'autre casser la tête, mais je l'aurais vendu cher non. Je n'aurais pu voir le droit foulé aux pieds et la justice avilie sans me mettre en avant pour les reconquérir. » Cette anecdote vient de nous reconduire au Buissonnet où notre vie de famille fut de nouveau vécue avec des douceurs toujours croissantes. Et puisque je suis sur le chapitre de mon fougueux caractère, je vais encore renforcer l'impression que vous avez déjà, ma mère bien-aimée, en vous disant qu'un jour où il y avait à l'église fête patriotique avec décor de drapeau français, je me disais en moi-même, quand je pense que pour ce lambeau d'étoffe, là je donnerais ma vie avec joie et je sentais un véritable désir de me dévouer pour ma patrie dont ce lambeau d'étoffe représentait l'idée. Ce désir faillit presque être comblé, car à la suite d'une erreur faite à la mairie, pour enregistrer ma naissance ou la mort de mon petit frère, il arriva un beau jour, que je reçus ma feuille de route et fus appelé sous les drapeaux. Mais, comme vous le pensez bien, les démarches pour me dispenser du service militaire aboutirent et si je ne servis pas alors ma patrie en partant pour la caserne, je lui fus-il plus tard dans la solitude du cloître, j'ose l'espérer. Une autre fois, en passant par la ville j'aperçus des jeunes gens qui dormaient au soleil sur les bancs de la place publique. Aussitôt je m'écriai intérieurement, faut-il que j'aie du malheur de n'être qu'une misérable petite femme? Que ferai-je dans la vie et ces malheureux-là qui sont gratifiés de la force et qui ne l'emploient pas? Vous dire, ma mère, mon indignation et mon regret est impossible, tant étaient vifs ces sentiments. Oui, à cette époque de mon existence l'ardeur qui bouillonnait en moi me devenait un véritable martyr. Je sentais que j'allais perdre ma Thérèse et j'avais besoin d'un déversoir, de quelqu'un qui voulût bien se dévouer à m'écouter, prenant ainsi le rôle de la digue qui s'oppose aux flots en courroux. Comme je l'ai dit, au commencement de cette histoire, le bon Dieu avait remis dans un vase trop petit et il débordait avec une impétuosité à laquelle il fallait opposer des bornes. Le Seigneur écoutant mes justes réclamations me donna un directeur selon son cœur dans la personne du révérend Père Pichon de la Compagnie de Jésus. Je lui ouvris toute mon âme et il voulut bien se dévouer pour elle. Ma mère, si vous saviez à quel degré j'admire l'humble patience de ces savants religieux qui ont passé leur vie à étudier, qui par conséquent pourraient dépenser leur science à instruire les foules et qui ne dédaignent pas d'employer une partie notable de leur temps à lire une correspondance qui ne peut pas les intéresser ou qui ne les intéresse que par charité. Car l'histoire de toutes les âmes est à peu près semblable, elle ne varie que par les incidents. Aussi, j'ai une grande reconnaissance pour ce saint religieux qui jamais ne m'a témoigné aucun ennui de recevoir mes in-folio. 20 ans après, lorsque je le revis, Lui ayant demandé ce qu'il pensait jadis de sa pauvre enfant, il me répondit, « Ce que je pensais c'est que vous aviez de la vie pour quatre. Ce portrait est parfaitement ressemblant. J'ai su depuis que, non seulement mes lettres ne l'ennuyaient pas, il me nommait sa théologienne, mais que son supérieur tenait à les lire. Vraiment, ils sont bien indulgents ces bons pères. J'étais donc soulagée en voyant que je possédais un appui qu'il saurait non seulement me soutenir, mais encore m'arrêter sur les pentes glissantes que je ne manquerai pas de rencontrer sur mon chemin, par la conscience que je n'aurai non plus rien à craindre et serai désormais éclairée. Penser cela était une garantie dont je n'essaierai pas de décrire la valeur. Et cependant ce secours fut une goutte d'eau sur le brasier. Mon âme altérée de beauté, de vérité, de justice, cherchait l'assouvissement de cet abîme. Où le trouverait-elle? À cet en Jésus, lui seul possède la plénitude de toute perfection, lui seul peut combler ces vides béants qu'il a lui-même creusés en nous. Comme un cerf en sa soif ardente, soupire après l'eau jaillissante, ô Jésus vers toi j'accours défaillante, il faut pour calmer mon ardeur, tes pleurs. Oui, Jésus viendra avec sa croix et ses épines, sa visite est proche, encore quelques mois et la passion de sa petite épouse va commencer. Ce fut le 9 avril 1888 que ma Thérèse chérie me quitta pour entrer au Carmel. En lui donnant le baiser d'adieu à la porte du monastère, je dus m'appuyer chancelante contre le mur, et cependant je ne pleurais pas, je voulais la donner à Jésus de tout mon cœur, et lui en retour, me revêtis de sa force. À combien j'avais besoin de cette force divine. Au moment où Thérèse entra dans l'arche sainte, la porte de clôture qui se referma entre nous fut la fidèle image de ce qui se passa réellement, car un mur venait de s'élever entre nos deux existences. En rentrant au Buissonnet, accompagné de mon père et de Léonie, on me fit part d'une demande en mariage. Cette nouvelle me bouleversa, non pas que je fus indécise sur ce que j'avais à faire, mais la lumière divine en se cachant me livra à mes propres inconstances. Sans cesse je me disais, cette offre qui m'est faite juste au moment où Thérèse me quitte, n'est-elle pas un indice d'une volonté de Dieu sur moi que je n'avais pas prévue? Le Seigneur a pu permettre que je désire la vie religieuse jusqu'à aujourd'hui afin que dans le monde je sois une femme forte. Tant de personnes disent que je n'ai point l'allure d'une religieuse, peut-être. En effet, ne suis-je pas appelée à cette vie par la divine providence? Mes sœurs n'ont jamais été mises formellement en demeure de choisir entre les deux vies, c'est sans doute que le bon Dieu les voulait pour lui et qu'il ne me veut pas enfin, bien que ma résolution n'ait jamais varié, l'angoisse monta toujours, je n'y voyais plus clair. Je répondis cependant, à tout hasard, que je ne voulais pas, que je désirais être tranquille pour le moment, et qu'on ne m'attendît pas. Jugez ma mère de la douleur de cette première journée vécue loin de ma Thérèse chérie, et le soir ce fut seul que je me retrouvai dans ma grande chambre, seul que je pris place sur ma couche que je mouillai de mes pleurs. Cependant il fallait faire bon visage pour adoucir à mon cher petit père le sacrifice de sa reine, je m'ingéniais à le rendre heureuse et à faire rayonner autour de moi la gaieté. Oh ma mère, c'est bien l'amour du bon Dieu tout seul qui m'a soutenu au milieu de toutes ces vicissitudes et des difficultés que je vais vous dépeindre bientôt. Loué soit rendu à Jésus d'avoir mis dans mon cœur cet amour qui devait être mon sauveur. Je viens de prononcer le nom de ma chère petite Léonie dont je vous ai à peine parlé, ma mère. À ce moment elle était revenue dans la famille, c'était le bon Dieu vraiment qui me l'envoyait. Elle était bonne, douce et humble. Elle ne cherchait point à paraître et me laissait avec joie gouverner la maison, bien que je fusse plus jeune qu'elle de 6 ans. D'ailleurs les soins du ménage n'étaient pas dans ses aptitudes. Privée toute jeune de sa petite compagne Marie-Hélène qui aurait été de son âge et l'avait depuis, comme la prophétesse Anne vécue dans le veuvage ne quittant point sa chambre et servant Dieu nuit et jour dans la solitude et la prière. Cet amour de la retraite ne l'empêcha pas pourtant de s'adonner aux œuvres de charité, elle allait ensevelir les morts chez les familles pauvres du voisinage. Un jour, Ayant ainsi prêté un oreiller à un mourant, elle nous le rapporta couvert de vermine. Je n'étais pas contente. Mais le bon Dieu montra combien il bénissait les efforts de ma chère Léonie, car cet oreiller qui fut tout simplement mis à l'air dans le jardin devint aussi net qu'auparavant et nous n'eûmes pas un insecte dans la maison. Quant à moi, intérieurement je renouvelais chaque jour, et bien souvent chaque jour, le sacrifice de ma Thérèse. Il me sembla que dans cette séparation j'eus vraiment part à l'immense sacrifice qu'ont à faire les parents lorsque leurs enfants les quittent pour entrer dans un cloître. Car je n'avais alors aucun espoir d'entrer au Carmel à cause des difficultés qu'ils s'opposaient à mon admission. Je savais bien qu'on avait fait une grande exception en acceptant trois sœurs dans le même monastère et que jamais on ne voudrait atteindre le nombre de quatre. Je voyais, en outre, mon bon père, dont la vieillesse réclamait mes soins, avec sa force d'âme ordinaire il me disait, « Il est vrai, vous pouvez toutes partir, je serai heureux de vous donner au bon Dieu avant de mourir et pour mes vieux jours une cellule, toute nue, me suffira. » Pauvre petit père, oui, il devait, en effet, expirer dans une cellule toute nue, non toutefois sans avoir auparavant bu le calice de l'épreuve jusqu'à la lie. Et quant à moi, je sentais qu'il était de mon devoir de lui consacrer indéfiniment mon existence. Je disais tout à l'heure qu'intérieurement je renouvelais chaque jour le sacrifice de ma Thérèse, c'était la l'holocauste toujours fumant et toujours agréé du Seigneur. Extérieurement je continuais à travailler la peinture et j'y faisais de réels progrès. Papa les remarquait avec plaisir et pensant que les leçons de ma maîtresse ne me suffisaient plus, il me proposa de me conduire à Paris où nous avions loué un appartement, à Auteuil, et là je me serais perfectionné dans mon art sous la conduite d'un maître. L'offre était tentante. On pouvait abandonner quelque temps sans regret les buissonnes et qui, malgré mes efforts, paraissaient bien déserts. Cependant la réflexion ne fut pas longue et sans prendre de temps pour délibérer je posai le tableau que je tenais à la main et m'approchant de mon père je lui confiai que voulant être religieuse, je ne cherchais pas la gloire du siècle et qu'il si le bon Dieu avait besoin plus tard de mes travaux, il saurait bien suppléer à mon ignorance. J'ajoutai que je préférais mon innocence à tout autre avantage et que je ne voulais pas l'exposer, dans les ateliers, par les études académiques, mon père fut très ému de ma réponse. Jamais je ne lui avais dit ouvertement mon dessein d'embrasser l'état religieux et il pouvait toujours douter de ma détermination. Aussi dans l'élan de sa reconnaissance il me pressa sur son cœur et me dit « Viens, allons ensemble auprès du Saint-Sacrement remercier le bon Dieu de l'honneur qu'il me fait en me demandant tous mes enfants. » C'était le vendredi 16 juin 1888. J'avais 19 ans. Note, c'est en cette occasion que Thérèse m'écrivait en juin 1888, « Petite sœur chérie, que le bon Dieu est bon pour toi. Si tu pouvais voir quelle grâce tu as reçue vendredi, je crois vraiment que c'est la grâce que tu attendais. Tu sais, toi tu me disais, mais moi je n'ai pas reçu de grâce décisive. Je suis convaincue que c'est là cette grâce. Maintenant tu dois être tout à Jésus, plus que jamais il est tout à toi. Il a déjà passé à ton doigt l'anneau mystérieux des fiançailles. Il veut être le seul maître de ton âme. Sœur chérie, nous sommes vraiment sœurs dans toute la force du terme. » Fin de la note. Tout était consommé, l'appel du sacrifice pouvait sonner et le moine n'allait pas achever son cours, sans nous révéler la terrible épreuve que Jésus, dans son incomparable amour, prévoyait pour nous depuis si longtemps. Marc M. Dan d'après, Archive Carmel Lisieux.fr. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial.